parler de Germaine Tillion puisque je l'ai bien connue dans les conditions les plus tragiques. Germaine Tillion se trouve à la santé en même temps que moi. Mais là, nous ne nous sommes pas connus. On était complètement au secret. Et puis, à la fin de l'automne 1942, toute la division spéciale, c'est-à-dire la division punitive SS de la santé, passe à Fresnes. Et là, j'ai eu la première vision de Germaine Tillion. C'est-à-dire que de temps en temps, on avait, pas très souvent, mais ça arrivait, une sortie, une promenade. C'est-à-dire qu'on sortait de nos cellules et on descendait dans des cours cellulaires, chacune individuelle. Et j'ai vu de loin une petite femme, elle était de très petite taille, qui avait un turban et des pantalons, un pantalon de cheval. Qui est cette personnalité qui avait l'air déjà très énergique, très bon. J'ai appris que c'était Germaine Tillion. Ça a été le premier aspect. Mais c'est surtout à Ravensbrück que je l'ai bien connue par la suite. Alors moi j'étais à Ravensbrück depuis l'été 43 et elle arrive le convoi suivant. Nous étions, son convoi et le mien, ce que nous appelons Nacht und Nebel, nuit et brouillard, des NN qui devaient disparaître. Et cela nous a valu de nous trouver à partir de janvier suivant hein, dans une même baraque, qui était la baraque avec des NN, où il y avait également des sujets d'expérimentation médicale. Nous étions des gens estimés devant disparaître, n'ayant droit ni aux lettres ni aux colis, disparaître dans la nuit et le brouillard. Mais là, c'est noué de grandes amitiés. Et alors, Germaine Tillion avait des qualités humaines par rapport à des plus jeunes, comme Anis Postelvini et autres. Elle jouait un rôle un peu protecteur et un rôle formateur. Et en plus de ça, elle était douée d'un humour extraordinaire. Et je vous conseille de lire cette pièce extraordinaire qu'elle a réécrite à Ravensbrück, « Le Ferfugbar aux enfers ». Je ne sais pas si on l'a ici, vous l'avez, oui. Donc le Ferfugbar aux enfers, Ferfugbar, c'est le disponible, qui n'est pas attaché à un travail fixe. Et tous les jours, quand elle pouvait, sur des petits bouts de papier, elle racontait l'histoire de ces Ferfugbar avec le regard du naturalisme, avec humour. Et vous savez que l'humour à l'égard de notre drame, c'est une force de survie considérable. On était capable de rire de nous-mêmes tout en réfléchissant en profondeur. Donc, un groupe de nos jeunes que nous étions, nous montions au troisième étage du chalet et elle nous lisait ce qu'elle avait inventé, vous voyez, pour montrer des aspects dramatiques et en même temps aberrants et parfois ridicules. Vous voyez, et c'est cette vie, et elle avait un rôle très central par rapport à cette animation, toujours très discrètement, etc. Mais elle a eu le drame atroce, sa maman qui était arrivée dans un autre convoi, elle était dans une autre baraque, elle n'était pas nuit et brouillard, et elle essayait de la voir le plus souvent possible. Mais hélas, à partir de janvier 1945, était installée une chambre à gaz à Ravensbrück et il y avait des sélections. Et le drame est arrivé, c'est-à-dire que le 2 mars, il y a une sélection, et Émilie Tillion a été saisie par un SS, elle avait les cheveux blancs, c'était une femme d'une grande délicatesse, cultivée, charmante, et elle a été emmenée pour être liquidée à la chambre à gaz. Et ça a été une douleur atroce pour Germaine dans toute l'après-guerre. Alors, au retour, elle a surmonté cette épreuve terrible, péniblement, en travaillant sur la déportation, et puis en demeurant toujours vigilante par rapport à de nouveaux drames qui pouvaient se produire. Donc, la découverte du goulag avec David Rousset, et puis tout ce qui se passait en Algérie. Et là, elle était particulièrement impliquée. Et je me souviens qu'à la fin des années 50, il y avait des manifestations, certains d'entre vous s'en rappellent peut-être, en bas des Champs-Élysées. C'est ce que nous appelions le sitting, c'est-à-dire des manifestations assises, et les CRS venaient, nous prenaient par la peau du cou, nous emmenaient dans des cars, et nous emmenaient, en général, il y avait des grandes cellules à Bichat. Et là, on était interrogés, etc. Je me souviens que j'avais suivi une sorte d'interrogatoire, des photos, et on nous disait, mais vous savez, ça c'est du bourrage de crâne d'intellectuel, il n'y a pas de torture en Algérie. Et moi répondant, mais je regrette parce que j'ai le dossier, par exemple, de la Croix-Rouge internationale et autres, et en plus, sont déportés, on ne nous ment pas comme ça, nous savons. Alors, allez-vous-en, etc. Mais finalement, ils nous emmenaient avec des cars au-delà de Pantin, en pleine nature, et ils nous lâchaient vers 4h du matin, en pleine nature. Mais des camarades, d'autres camarades déportés, guettaient ceux qui étaient arrêtés, et avec des petites voitures, ils nous ramassaient. Et je me souviens qu'une nuit, nous avons fini la nuit chez Germaine Tillon, en débattant de toutes ces questions. C'était une ambiance extraordinaire, avec des tendances politiques un peu diverses et autres, mais toutes réunies pour lutter contre toutes les nouvelles atteintes aux droits de l'homme. Voilà ce qui nous a unis tout le temps, jusqu'à ces derniers jours. Donc, amitié, solidité des valeurs, de la liberté, de l'égalité, de la justice sociale. Elle a tout mis en œuvre tout au long du siècle. Voyez, et ça, je crois qu'il faut lui rendre hommage. Et alors, à la Fondation pour la mémoire de la déportation, nous sommes fidèles à toutes ces valeurs et nous essayons de les transmettre maintenant. On fait un travail d'histoire, un travail de mémoire pour former les jeunes, voyez, pour qu'ils intègrent dans leur formation civique ces valeurs. Et une expression de ce genre incarne de telles valeurs. Alors merci à tous ceux qui l'ont réalisé, voyez, et nous en tiendrons compte largement dans les formations que nous assurons pour les jeunes et dans nos stages. Merci à tous.